En signe de soutien à l'essai d'explosion de l'ogive nucléaire en Corée, puissance nucléaire du Tse, le parti Alam du Kyrgyzstan et le comité exécutif national d'Ouganda du mouvement panafricain ont publié chacun une déclaration les 14 et 15 septembre.